Athos buvait à petits coups la dernière bouteille de son vin d'Espagne. Pendant ce temps, D'Artagnan défilait avec sa compagnie. En arrivant au faubourg Saint-Antoine, il se retourna pour regarder gaiement la Bastille. Mais comme c'était la Bastille seulement qu'il regardait, il ne vit point Milady, qui montait sur un cheval Isabelle, le désignait du doigt à deux hommes de mauvaise mine qui s'approchèrent aussitôt des rangs pour le reconnaître. Sur une interrogation qu'ils firent du regard, Milady répondit par un signe que c'était bien lui. Les deux hommes suivirent alors la compagnie, et à la sortie du faubourg Saint-Antoine, montèrent sur des chevaux tout préparés qu'un domestique sans livrée tenait en main en les attendant. Chapitre 41. Le siège de La Rochelle. Le siège de La Rochelle fut un des grands événements politiques du règne de Louis XIII et une des grandes entreprises militaires du cardinal. Des villes importantes données par Henri IV aux Huguenots comme place de sûreté, il ne restait plus que La Rochelle. Il s'agissait donc de détruire ce dernier boulevard du calvinisme. Espagnols, Anglais, Italiens mécontents, aventuriers de toutes nations, soldats de fortune de toutes sectes, accouraient au premier appel sous les drapeaux des protestants et s'organisaient comme une vaste association dont les branches divergeaient à loisir sur tous les points de l'Europe. Aussi Bassompierre, qui était à la fois protestant et catholique, protestant de conviction et catholique comme commandeur du Saint-Esprit, Bassompierre, disait-il, en chargeant à la tête de plusieurs autres seigneurs protestants comme lui, « Vous verrez, messieurs, que nous serons assez bêtes pour prendre La Rochelle. » Et Bassompierre avait raison. La canonnade de l'île de Ré lui présagea les dragonnades des Cévennes. La prise de La Rochelle était la préface de la révocation de l'édit de Nantes. Mais nous l'avons dit à côté de ces vues du ministre niveleur et simplificateur et qui appartiennent à l'histoire, le chroniqueur est bien forcé de reconnaître les petites visées de l'homme amoureux et du rival jaloux. Richelieu, comme chacun sait, avait été amoureux de la reine. Mais Buckingham l'avait emporté sur lui, et il l'avait, grâce au dévouement des trois mousquetaires et au courage de D'Artagnan, cruellement mystifié. Il s'agissait donc pour Richelieu non seulement de débarrasser la France d'un ennemi, mais de se venger d'un rival. Richelieu savait qu'en combattant l'Angleterre, il combattait Buckingham, qu'en humiliant l'Angleterre aux yeux de l'Europe, il humiliait Buckingham aux yeux de la reine. Sous aucun prétexte, Buckingham n'avait pu rentrer en France comme ambassadeur. Il voulait y rentrer comme conquérant. Il en résulte que le véritable enjeu de cette partie, que les deux hommes les plus puissants du royaume jouaient pour le bon plaisir de deux hommes amoureux, était un simple regard d'Anne d'Autriche. Dans ce combat avait péri le baron de Chantal. Le baron de Chantal laissait orpheline une petite fille de 18 mois. Cette petite fille fut depuis Madame de Sévigné. Le roi, le 28 juin, il s'était senti pris par la fièvre. Il n'en avait pas moins voulu partir, mais son état empirant, il avait été forcé de s'arrêter à Villeroy. Où s'arrêtait le roi, s'arrêtaient les mousquetaires. Il en résultait que D'Artagnan, qui était purement et simplement dans les gardes, se trouvait séparé, momentanément du moins, de ses bons amis Athos, Porthos et Aramis. Il n'en arriva pas moins sans accident au camp établi devant La Rochelle vers le 10 du mois de septembre de l'année 1627. Tout était dans le même état. Le duc de Buckingham et ses Anglais, maîtres de l'île de Ré, continuaient d'assiéger, mais sans succès, la citadelle de Saint-Martin et le port de la Pré. Et les hostilités avec La Rochelle étaient commencées depuis deux ou trois jours, à propos d'un fort que le duc d'Angoulême venait de faire construire près de la ville. Les gardes, sous le commandement de M. des Essarts, avaient leur logement au minime. D'Artagnan faisait des réflexions en se promenant solitairement sur un joli petit chemin qui conduisait du camp au village d'Angoutin. Or, il lui sembla voir briller derrière une haie le canon d'un mousquet. D'Artagnan avait l'œil vif et l'esprit prompt. Il comprit que le mousquet n'était pas venu là tout seul. Il résolut donc de gagner au large, lorsque de l'autre côté de la route, derrière un rocher, il aperçut l'extrémité d'un second mousquet. C'était évidemment une embuscade. Il se jeta ventre à terre. En même temps, le coup partit. Il entendit le sifflement d'une balle qui passait au-dessus de sa tête. Et aussitôt, prenant ses jambes à son cou, il s'enfuit dans la direction du camp, arriva fort essoufflé et fort pâle dans son logis, s'assit sans rien dire à personne et se mit à réfléchir. Cet événement pouvait avoir trois causes. La première et la plus naturelle pouvait être une embuscade des Rochelois. Ce pouvait être un bon souvenir de Monsieur le cardinal. Mais D'Artagnan secoua la tête. Pour les gens vers lesquels elle n'avait qu'à étendre la main, son éminence recourait rarement à de pareils moyens. Ce pouvait être une vengeance de Milady. Ceci, c'était plus probable. D'Artagnan passa une fort mauvaise nuit. Cependant, le jour parut sans que l'obscurité eût amené aucun incident. Mais D'Artagnan se douta bien que ce qui était différé n'était pas perdu. Le surlendemain, à 9 heures, on battit aux champs. Le duc d'Orléans visitait les postes. Les gardes coururent aux armes, D'Artagnan prit son rang au milieu de ses camarades. Monsieur passa sur le front de bataille. Au bout d'un instant, il parut à D'Artagnan que Monsieur des Essarts lui faisait signe de s'approcher de lui. « Monsieur va demander des hommes de bonne volonté pour une mission dangereuse, mais qui fera honneur à ceux qui l'auront accompli. Et je vous ai fait signe afin que vous vous tinssiez prêt. » « Merci, mon capitaine, » répondit D'Artagnan, qui ne demandait pas mieux que de se distinguer sous les yeux du lieutenant général. Effectivement, au bout de quelques instants, monsieur éleva la voix et dit « Il me faudrait pour cette mission 3 ou 4 volontaires conduits par un homme sûr. »« Quant à l'homme sûr, j'ai le sous la main, monseigneur, » dit monsieur des Essarts en montrant D'Artagnan. « 4 hommes de bonne volonté pour venir se faire tuer avec moi, » dit D'Artagnan en levant son épée. 2 de ses camarades aux gardes s'élancèrent aussitôt, et 2 soldats s'étant joints à eux, il se trouva que le nombre demandé était suffisant. On ignorait si, après la prise du bastion, les Rochelois l'avaient évacué ou s'ils y avaient laissé garnison. Il fallait donc examiner le lieu indiqué d'assez près pour vérifier la chose. D'Artagnan partit avec ses 4 compagnons et suivit la tranchée. Ils arrivèrent ainsi en se couvrant de revêtements jusqu'à 100 de pas du bastion. Là, D'Artagnan, en se retournant, s'aperçut que les 2 soldats avaient disparu. On ne voyait personne, et le bastion semblait abandonné. Les 3 enfants perdus délibéraient s'ils iraient plus avant, lorsque tout à coup une ceinture de fumée ceignit le géant de pierre, et 12 de balles vinrent siffler autour de D'Artagnan et de ses 2 compagnons. Ils savaient ce qu'ils voulaient savoir, le bastion était gardé. D'Artagnan et les 2 gardes tournèrent le dos et commencèrent une retraite qui ressemblait à une fuite. En arrivant à l'angle de la tranchée qui allait leur servir de rempart, 1 des gardes tomba. Une balle lui avait traversé la poitrine. L'autre, qui était sain et sauf, continua sa course vers le camp. Une balle vint s'aplatir sur le roc après avoir passé à 2 pouces de D'Artagnan. Le jeune homme se retourna vivement, car cette attaque ne pouvait venir du bastion. Il résolut donc cette fois de savoir à quoi s'en tenir et tomba sur le corps de son camarade comme s'il était mort. Il vit aussitôt 2 têtes qui s'élevaient au-dessus d'un ouvrage abandonné qui était à 30 pas de là. C'était celle de nos 2 soldats. Lorsqu'ils furent à 10 pas de lui, D'Artagnan, qui en tombant avait eu grand soin de ne pas lâcher son épée, se releva tout à coup et d'un bond se trouva près d'eux. L'un d'eux prit son fusil par le canon et s'en servit comme d'une massue. Il emporta un coup terrible à D'Artagnan qui l'évita en se jetant de côté, mais par ce mouvement il livra passage au bandit qui s'élança aussitôt vers le bastion. Les Rochelois firent feu sur lui et il tomba frappé d'une balle qui lui brisa l'épaule. Pendant ce temps, D'Artagnan s'était jeté sur le second soldat, l'attaquant avec son épée. La lutte ne fut pas longue. D'Artagnan lui mit aussitôt la pointe du fer sur la gorge. « Oh, ne me tuez pas !» s'écria le bandit. « Grâce !»« Misérable !» dit D'Artagnan. « Voyons, parle vite, qui t'a chargé de m'assassiner ?» Une femme que je ne connais pas, mais qu'on appelle Milady. « Eh bien, à la bonne heure, » dit le jeune homme en riant. « Elle estime que je vaux quelque chose et je te fais grâce, mais à une condition. »« Laquelle ? » demanda le soldat. « C'est que tu vas aller me chercher la lettre que ton camarade a dans sa poche. »« Mais s'écria le bandit, c'est une autre manière de me tuer. Comment voulez-vous que j'aille chercher cette lettre sous le feu du bastion ?»« Grâce, monsieur, pitié, au nom de cette jeune dame que vous aimez, que vous croyez morte peut-être, et qui ne l'est pas. » « Et d'où sais-tu qu'il y a une jeune femme que j'aime et que j'ai cru cette femme morte ?» demanda D'Artagnan. « Par cette lettre que mon camarade a dans sa poche. »« Tu vois bien alors qu'il faut que j'aie cette lettre, » dit D'Artagnan. Et à ces mots, D'Artagnan fit un geste si menaçant que le blessé se releva. « Arrêtez, arrêtez !» s'écria-t-il, reprenant courage à force de terreur. « J'irai, j'irai !» La terreur était tellement peinte sur son visage couvert d'une froide sueur que D'Artagnan en eut pitié et que, le regardant avec mépris, « Eh bien, lui dit-il, je vais te montrer la différence qu'il y a entre un homme de cœur et un lâche comme toi. Reste, j'irai. » Et d'un pas agile, l'œil au guet, D'Artagnan parvint jusqu'au second soldat. D'Artagnan chargea l'assassin sur ses épaules au moment même où l'ennemi faisait feu. Il regagna la tranchée et jeta le cadavre auprès du blessé aussi pâle qu'un mort. Il trouva la lettre suivante. C'était celle qu'il était allé chercher au risque de sa vie. Puisque vous avez perdu la trace de cette femme et qu'elle est maintenant en sûreté dans ce couvent où vous n'auriez jamais dû la laisser arriver, tâchez au moins de ne pas manquer l'homme. Sinon, vous savez que j'ai la main longue et que vous payerez cher les 100 louis que vous avez à moi. Pas de signature. Néanmoins, il était évident que la lettre venait de Milady. En conséquence, il la garda comme pièce à conviction. Dès lors, ainsi qu'Athos l'avait prédit, il était possible de retrouver Madame Bonacieux, et un couvent n'était pas imprenable. Cette idée acheva de lui remettre la clémence au cœur. Il se retourna vers le blessé, lui tendant les bras. « Allons, lui dit-il, je ne veux pas t'abandonner ainsi. Appuie-toi sur moi et retournons au camp. » D'Artagnan expliqua le coup d'épée de son compagnon par une sortie qu'il improvisa. Il raconta la mort de l'autre soldat et les périls qu'ils avaient courus. Ce récit fut pour lui l'occasion d'un véritable triomphe. Chapitre 42. Le vin d'Anjou. D'Artagnan était redevenu plus tranquille, comme il arrive toujours après un danger passé. Mais un matin du commencement du mois de novembre, tout lui fut expliqué par cette lettre, datée de Villeroy. « Monsieur d'Artagnan, messieurs Athos, Porthos et Aramis ont mené si grand bruit que le prévôt du château les a consignés pour quelques jours. Mais j'accomplis les ordres qu'ils m'ont donnés de vous envoyer 12 bouteilles de mon vin d'Anjou. Je l'ai fait et suis, monsieur, avec un grand respect, votre serviteur très humble et très obéissant, Godot, hôtelier de monsieur les mousquetaires. » « À la bonne heure !» s'écria d'Artagnan. Et d'Artagnan courut chez deux gardes avec lesquels il avait fait plus amitié qu'avec les autres. La réunion fut fixée au surlendemain. Planchet, tout fier d'être élevé à la dignité de maître d'hôtel, songea à tout apprêter en homme intelligent. À cet effet, il s'adjoignit ce faux soldat qui avait voulu tuer d'Artagnan et qui, n'appartenant à aucun corps, était entré à son service. L'heure du festin venue, les deux convives arrivèrent, prirent place et les mets s'alignèrent sur la table. Brismont, c'était le nom du convalescent, versa cette lie dans un verre et d'Artagnan lui permit de la boire, car le pauvre diable n'avait pas encore beaucoup de force. Les convives, après avoir mangé le potage, allaient porter le premier verre à leurs lèvres lorsque tout à coup le canon retentit au fort Louis et au fort Neuf. Et tous trois sortirent en courant afin de se rendre à leur poste. Mais à peine furent-ils hors de la buvette qu'ils se trouvèrent fixés sur la cause de ce grand bruit. Les cris de « Vive le roi, vive monsieur le cardinal !» retentissaient de tous côtés. En effet, le roi, impatient comme on l'avait dit, arrivait à l'instant même. Ses mousquetaires le précédaient et le suivaient. D'Artagnan, placé en haie avec sa compagnie, salua d'un geste expressif ses amis qui lui répondirent des yeux et monsieur de Tréville qui le reconnut tout d'abord. La cérémonie de réception achevée, les quatre amis furent bientôt dans les bras l'un de l'autre. « Par Dieu !» s'écria d'Artagnan. « Il n'est pas possible de mieux arriver. »« Est-ce qu'il y a du vin potable dans votre bicoque ?» demanda Athos. « Mais par Dieu, il y a le vôtre, cher ami !» répondit d'Artagnan. « Notre vin ?» fit Athos étonné. « Oui, celui que vous m'avez envoyé. »« Nous avons donc fait venir du vin d'Anjou, gourmet que nous sommes ?» dit Porthos. « Mais non, c'est le vin qu'on m'a envoyé de votre part. »« De notre part ?» firent les trois mousquetaires. « Ma foi, qu'il vienne d'où il voudra, n'importe, dit Porthos, goûtons-le, et s'il est bon, buvons-le. »« Non pas, dit Athos. Ne buvons pas le vin qui a une source inconnue. »« Voici la lettre, dit d'Artagnan. » Et il présenta le billet à ses camarades. « Ce n'est pas son écriture, s'écria Athos. »« Fausse lettre, dit Porthos. Nous n'avons pas été consignés. »« Courons, courons, mes amis, s'écria d'Artagnan. Un horrible soupçon me traverse l'esprit. Serait-ce encore une vengeance de cette femme ?» Le premier objet qui frappa la vue de d'Artagnan en entrant dans sa salle à manger fut Brismont étendu par terre et se roulant dans d'atroces convulsions. « Oh, mes amis, dit d'Artagnan, vous venez encore une fois de me sauver la vie, non seulement à moi, mais à ces messieurs. Messieurs, dit d'Artagnan en s'adressant aux gardes, vous comprenez qu'un pareil festin ne pourrait être que fort triste après ce qui vient de se passer. » Les deux gardes acceptèrent courtoisement les excuses de d'Artagnan, et comprenant que les quatre amis désiraient demeurer seuls, ils se retirèrent. L'hôte leur donna une autre chambre dans laquelle il leur servit des œufs à la coque et de l'eau, qu'Athos alla puiser lui-même à la fontaine. En quelques paroles, Porthos et Aramis furent mis au courant de la situation. « Athos, c'est votre femme, vous dis-je, répétait d'Artagnan. Ne vous rappelez-vous donc pas comme les deux signalements se ressemblent ? J'aurais cependant cru que l'autre était morte, je l'avais si bien pendue. » Ce fut d'Artagnan qui secoua la tête à son tour. « Mais enfin, que faire ? » dit le jeune homme. « Écoutez, tâchez de la rejoindre et d'avoir une explication avec elle. Dites-lui la paix ou la guerre. » « Oui, nous d'ailleurs, nous sommes des hommes, et à tout prendre, c'est notre état de risquer notre vie. Mais elle, » ajouta-t-il à mi-voix. « Qui, elle ? » demanda Athos. « Constance !»« Madame Bonacieux, ah, c'est juste, » fit Athos. « Pauvre ami, j'oubliais que vous étiez amoureux. » Eh bien, mais, dit Aramis, n'avez-vous pas vu par la lettre même que vous avez trouvée sur le misérable mort qu'elle était dans un couvent? Alors je m'en charge, moi, d'en avoir des nouvelles. Vous, Aramis, s'écrièrent les trois amis. Vous, et comment cela? Par l'aumônier de la reine avec lequel je suis fort lié, dit Aramis en rougissant. Et sur cette assurance, les quatre amis qui avaient achevé leur modeste repas se séparèrent avec promesse de se revoir le soir même. Chapitre 43. L'auberge du Colombier Rouge. À peine arrivé au camp, le roi qui avait si grande hâte de se trouver en face de l'ennemi et qui, à meilleur droit que le cardinal, partageait sa haine contre Buckingham, voulut faire toutes les dispositions, d'abord pour chasser les Anglais de l'île de Ré, ensuite pour presser le siège de La Rochelle. La conjoncture était favorable. La mer, fort mauvaise à cette époque de l'année sur toutes les côtes de l'océan, mettait tous les jours quelques bâtiments à mal. Et la plage, depuis la pointe de l'Aiguillon jusqu'à la tranchée, était littéralement à chaque marée couverte des débris de pinasses, de roberges et de felouques. Il était évident qu'un jour ou l'autre, Buckingham, qui ne demeurait dans l'île de Ré que par entêtement, serait obligé de lever le siège. Mais comme Monsieur de Toiras fit dire que tout se préparait dans le camp ennemi pour un nouvel assaut, le roi jugea qu'il fallait en finir et donna les ordres nécessaires pour une affaire décisive. L'entreprise réussit au grand étonnement du roi et à la grande gloire de Monsieur le cardinal. Des Te Deum furent chantés au camp et de là se répandirent par toute la France. Mais le repos n'était que momentané. Un envoyé du duc de Buckingham nommé Montaigu avait été pris et l'on avait appris la preuve d'une ligue entre l'Empire, l'Espagne, l'Angleterre et la Lorraine. Cette ligue était dirigée contre la France. De plus, dans le logis de Buckingham, qu'il avait été forcé d'abandonner plus précipitamment qu'il ne l'avait cru, on avait trouvé des papiers qui confirmaient cette ligue et qui compromettaient fort Madame de Chevreuse et par conséquent la reine. C'était sur le cardinal que pesait toute la responsabilité. Le roi, qui tout en lui obéissant comme un enfant le haïssait comme un enfant hait son maître, l'abandonnait aux vengeances réunies de monsieur et de la reine. Il était donc perdu, et peut-être la France avec lui. Il fallait parer à tout cela. Aussitôt vit-on les coursiers, devenus à chaque instant plus nombreux, se succéder nuit et jour dans cette petite maison du pont de la Pierre où le cardinal avait établi sa résidence. De leur côté, les mousquetaires, qui n'avaient pas grand-chose à faire au siège, n'étaient pas tenus sévèrement et menaient joyeuse vie. Or, un soir que D'Artagnan, qui était de tranchée, n'avait pu les accompagner, Athos, Porthos et Aramis, montés sur leurs chevaux de bataille, revenaient tous trois d'une buvette qu'Athos avait découverte 2 jours auparavant sur la route de la Jarrie et qu'on appelait le Colombier Rouge. Lorsqu'à 1/4 de lieue à peu près du village de Boisnard, ils crurent entendre le pas d'une cavalcade qui venait à eux. Athos, faisant quelques pas en avant, cria de sa voix ferme « Qui vive ?»« Qui vive vous-même ?» répondit un de ces deux cavaliers. « Mousquetaire du roi, dit Athos. Quelle compagnie ? Compagnie de Tréville. Avancez à l'ordre et venez me rendre compte de ce que vous faites ici à cette heure. » Athos fit signe à Porthos et à Aramis de rester de leur côté en arrière et s'avança seul. « Votre nom ? Reprit une seconde fois le cavalier en laissant tomber son manteau de manière à avoir le visage découvert. « Monsieur le cardinal ? S'écria le mousquetaire stupéfait. « Votre nom ? Reprit son éminence. « Athos, dit le mousquetaire. Le cardinal fit un signe à l'écuyer qui se rapprocha. « Ces trois mousquetaires nous suivront, dit-il à voix basse. Je ne veux pas qu'on sache que je suis sorti du camp. « Nous sommes gentils hommes, monsieur, dit Athos. Demandez-nous donc votre parole et ne vous inquiétez de rien. Dieu merci, nous savons garder un secret. « Vous avez l'oreille fine, monsieur Athos, dit le cardinal. Mais maintenant, écoutez ceci. Ce n'est point par défiance que je vous prie de me suivre, c'est pour ma sûreté. Sans doute vos deux compagnons sont messieurs Porthos et Aramis. Oui, votre éminence, dit Athos. Je vous connais, messieurs, dit le cardinal, je vous connais. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait de mes amis et j'en suis fâché, mais je sais que vous êtes de braves et loyaux gentilshommes. Mon ami Aramis, que voici, a reçu un petit coup d'épée dans le bras. Mais vous n'êtes pas homme à vous laisser donner des coups d'épée ainsi, dit le cardinal. Voyons, soyez francs, messieurs. À propos de quoi était venue la querelle ? « Ce misérable était ivre, dit Athos, et sachant qu'il y avait une femme qui était arrivée le soir dans le cabaret, il voulait forcer la porte. Et cette femme était jeune et jolie ? Demanda le cardinal avec une certaine inquiétude. « Nous ne l'avons pas vue, monseigneur, dit Athos. »« Vous ne l'avez pas vue ? Ah, très bien, reprit vivement le cardinal.